temps de notre série sur l'histoire des parfums et des odeurs dans la fabrique de l'histoire. Ce matin, parfum de Chine. Après nous être intéressés hier aux parfums antiques et à la question complexe de la minoration de l'odorat dans notre propre histoire, et avant demain d'approcher le métier de parfumeur, nous allons ce matin parcourir l'exposition Parfums de Chine, la culture de l'encens au temps des empereurs qui vient de commencer au musée Tchernovsky de Paris. Séverine Yattard et Séverine Cassard vont nous conduire au milieu des brûle-parfums et des odeurs d'encens de cette exposition très parfumée en compagnie d'Éric Lefebvre et de Frédéric Obringer. Avec eux, nous saurons pourquoi un voyageur européen pouvait au XIXe siècle dire que l'Empire chinois sentait partout le musc, ou comment on pouvait croire dans cette même Chine que le parfum finissait par pénétrer vos os et par finir par parfumer l'ensemble de votre corps. C'est jusqu'à 10h dans la fabrique de l'histoire ce matin. Nous sommes au musée Tchernovsky, donc le musée des arts de l'Asie de la ville de Paris, tout proche du parc Monceau, pour évoquer une exposition sur la culture de l'encens au temps des empereurs, une exposition donc qui s'intitule Parfums de Chine. Alors il est peu de domaines de la culture chinoise qui ne soient concernés par les produits aromatiques et les parfums, qu'il s'agisse à la fois des domaines du sacré, des rites, de l'art thérapeutique, médicinal, du quotidien, des lettrés, de la vie de la cour impériale, de la poésie ou de l'expression picturale. Parfums et odeurs sont donc présents et cette exposition nous propose un parcours historique, olfactif, qui montre combien finalement ces pratiques liées au parfum évoluent aussi au cours du temps. Donc précisons aussi que le parfum appartient au patrimoine immatériel et donc on peut se demander comment évoquer justement cette culture de l'encens lorsqu'il s'agit de patrimoine immatériel. Donc nous allons parcourir cette exposition. Il y a de nombreux brûle-parfums dont les formes, les matériaux varient en bronze, en terre cuite, en porcelaine, en bois de bambou, en jade, mais aussi d'autres objets qui sont liés donc à cette culture, des boîtes, des ustensiles, des vases, des tablettes. Et puis cette culture évidemment est représentée à travers la fiction, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit iconographique. Et donc, le public est aussi invité à vivre une expérience olfactive à travers des bornes qui reconstituent les parfums de l'époque avec la complicité de François Demachy qui est créateur parfumeur chez Dior. Et nous sommes donc avec Éric Lefebvre qui est directeur du musée Tchernovsky et puis commissaire de cette exposition, bien sûr. Et puis Frédéric Obringer qui est responsable du laboratoire Chine-Japon-Corée au CNRS. Donc Éric Lefebvre, peut-être pour commencer. Alors nous sommes dans la première partie de cette exposition qui est chronologique. Vous avez décidé donc d'abord de nous présenter une chronologie des dynasties de la Chine impériale et puis déjà commencer par nous montrer ces parfums, ces matériaux à parfumer. Oui, nous avons choisi de présenter aux visiteurs une grande fresque qui correspond à l'histoire du parfum pendant la période impériale, qui commence donc au 3e siècle avant Jésus-Christ, par l'unification du territoire chinois par le premier empereur, Qin Shi Huangdi, et qui se termine au tout début du 20e siècle, lorsque la République chinoise est proclamée. Nous avons donc un long parcours, plus de 2000 ans d'histoire du parfum, qui sont ici scindés en quatre grandes parties, qui correspondent aussi à ces âges successifs de l'art du parfum. Mais avant tout, nous avons effectivement choisi d'introduire le sujet avec les matières d'élection, les matières favorites des lettrés, mais aussi de toutes les autres catégories de population qui ont utilisé le parfum en Chine et qui sont aussi les matières que l'on retrouve les plus souvent dans les différentes recettes, formules qui ont fait l'histoire du parfum dans l'Empire chinois. Alors Frédéric Obringer, l'exposition débute avec des extraits de ces parfums, la myrte, la pistachia, terebinthus, enfin en tous les cas on voit on voit ces ingrédients dans des petites coupelles. Oui, en effet, on a tenu à montrer, enfin, dès le départ, tous ces ingrédients. Alors, en effet, comme vous disiez, on rencontre des sources de parfums qui sont bien connues, pas simplement en Chine. Le benjoin, l'oliban, hein, qu'on appelle aussi l'encens, qui vient du Yémen. Le camphre, le patchouli, l'ambre gris, le clou de girofle, le bois d'aigle, ou, qui est maintenant connu sous le nom de oud, et qui vient d'un arbre qui appartient au genre des aquilaria. Alors le bois d'aigle vient en effet d'un arbre qui, quand il est attaqué, quand il est malade, produit une résine incroyablement parfumée. Et ça a été vraiment l'ingrédient favori, fétiche de tous les lettrés, par exemple. Et j'avais trouvé une anecdote, enfin c'est un empereur des Souèges, juste avant la dynastie des Tang, donc au 6e siècle. Et lui, bon, il est connu pour être un tout petit peu excentrique, disons. Et il faisait venir sur une colline énormément de ce bois d'aigle, il mettait le feu et puis il était content devant ce spectacle avec cette odeur qui était à des dizaines de kilomètres autour de ce feu. Voilà. Alors Éric Lefebvre, donc, on débute au 3e siècle avant Jésus-Christ, mais la révolution olfactive, elle s'effectue plutôt la dynastie suivante, notamment parce que ces matériaux dont on vient de parler proviennent parfois de l'extérieur. Et la question de la circulation de ces matières premières est très importante dans la mise en place et dans l'usage de cette culture du parfum. On s'aperçoit effectivement qu'il y a une grande différence entre ce qu'on connaît, ce qu'on subodore du paysage olfactif au premier millénaire et ce qui se passe sous les Han, en particulier au deuxième et au premier siècle avant Jésus-Christ, au moment où justement, grâce à un empire déjà unifié qui va se prolonger considérablement du côté de l'Asie centrale à la faveur des conquêtes Han de cette époque, justement en particulier par l'établissement de routes intercontinentales, hein, qu'on appelait plus tard les routes de la soie, et qui comprennent aussi les routes maritimes vers l'Asie du Sud-Est, qui sont très importantes pour l'histoire du parfum. Donc effectivement, on se trouve dès cette première salle qui présente la culture du parfum et de l'encens à l'époque des Han, on se trouve tout de suite dans un monde où les échanges dominent, avec des matières qui proviennent de fort loin, qui sont du point de vue chinois des matières naturellement exotiques, le bois de santal ou l'encens par exemple, qui sont particulièrement appréciés à la cour de l'empereur des Han à cette époque. Au début de ce parcours, il y a une série de brûle-parfums en forme de coupe et l'un d'entre eux est particulièrement séduisant du point de vue visuel. C'est un brûle-parfum qui a un pied en forme de dragon, il est en bronze mais il est aussi doré et fait rare, cette dorure est particulièrement bien conservée. Alors cette forme de coupe, elle évoque tout d'abord le fait que ces objets, ils émergent déjà d'une longue histoire qui est une histoire rituelle des Zhou au premier millénaire. Et donc, on sait qu'au sein de ces rites, les mets ou les boissons avaient une odeur, un parfum très particulier. Ce parfum avait un rôle très important dans ces sacrifices et dans ces rites. Alors, les Han reprennent, ils héritent de cette forme de coupe. Il l'adapte, elle s'accompagne désormais d'un couvercle de forme tronconique et d'un couvercle aussi ajouré. Mais l'ajour, c'est aussi un défi technique pour ces bronziers de l'époque des Han. Et dans ce cas particulier, on voit que non seulement les bronziers ont réaliser un objet où les ajours occupent une place importante, mais même c'est les ajours ont recouvert l'ensemble de l'objet. Donc c'est une forme de prouesse technique, et cela rappelle aussi que à cette époque, il y avait non seulement des bronziers, mais même on peut dire des ingénieurs qui à la cour produisaient des brûle-parfums extraordinaires avec des décors mobiles, sans doute générée par la chaleur. Alors, il y a des symboles aussi, puisque bon, celui-là en forme de dragon, et puis il y a deux tigres, deux ovins, comment on peut interpréter ? Et il y aura d'autres animaux qui seront représentés dans ces brûle-parfums. Alors, effectivement, ces brûle-parfums sont très chargés du point de vue de la signification symbolique. On observe tout d'abord un bestiaire très significatif, effectivement, présence du dragon, présence aussi du phénix, dragon et phénix qui ont un rôle très important dans la symbolique, en particulier dans la symbolique impériale, quand ils renvoient à l'empereur et à l'impératrice. Mais nous avons aussi autour de ces objets quelque chose de très très important, c'est qu'on voit progressivement leur couvercle qui prend la forme d'une montagne, et pas n'importe quelle montagne, c'est la forme d'une montagne qui renvoie au séjour des immortels, une sorte de paradis en miniature, un microcosme dans lequel évoluent non seulement ces petites silhouettes qui sont les silhouettes des immortels, mais aussi un riche bestiaire dans lequel on retrouve des tigres et toutes sortes d'animaux. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, puisqu'on voit que finalement, ce brûle-parfum, il s'inscrit complètement dans la pensée taoïste de l'au-delà, sous les Han, une période où on recherche précisément à prolonger sa vie par un certain nombre de pratiques, par notamment l'insertion d'un certain nombre de matières, mais aussi par une forme d'ascèse. Et on sait que ces paradis, les empereurs des Han se mettront très sérieusement à la recherche de leur localisation géographique dans le monde, notamment en lançant des expéditions maritimes. Frédéric Aubringer, sur ces brûle-parfums en forme de montagne, qui signifie voilà, la communication aussi entre la terre et le ciel. Oui, bon, ces formes bien connues de tous ceux qui s'intéressent à l'art chinois, ces brûle-parfums qu'on appelle Pochanlu, sont en effet très symboliques. Le dragon qu'on a pu évoquer est aussi un symbole de cette immortalité, puisqu'on voit dans tout l'imaginaire taoïste, eh bien, les immortels s'enfuir à travers le ciel sur des dragons. Donc, et d'une façon aussi plus générale, cette forme de montagne pour l'utilisation des brûle-parfums renvoie en effet à cette fonction des encens, qui est une fonction de communication entre nous autres pauvres mortels et les divinités dans le ciel, avec toujours cette importance de l'odeur dans la communication avec les dieux. Parce que nous n'avons pas précisé, alors ces brûle-parfums sont où ? Dans les temples, dans les lieux de culte, chez les particuliers déjà, Éric Lefebvre ? La plupart des brûle-parfums qui sont présentés dans l'exposition, en particulier dans cette première salle, ont une provenance archéologique. Et pour cette époque, l'archéologie funéraire domine. Donc souvent, ces objets, ils sont retrouvés à l'intérieur de tombes, à une époque où la forme de la tombe commence à prendre très clairement l'apparence de la demeure des vivants. Donc effectivement, de ces découvertes funéraires, on peut tirer quelques idées sur la manière dont étaient utilisés ces brûle-parfums. Tout d'abord, un élément très simple, mais qu'il faut garder à l'esprit. Nous sommes dans un monde où, en général, on s'assoit au niveau du sol. C'est une pratique qui a été abandonnée ensuite en Chine, mais qui est restée vivante en Asie, en particulier au Japon. Et donc, il faut imaginer que ces objets, ils étaient justement faits pour être disposés sur des tables basses, en tout cas proches du sol. Et cela conditionne aussi leur taille, la manière dont on peut les saisir. Et on voit aussi qu'effectivement, il y a une forme de diversification à l'époque des Han. C'est une époque où la maîtrise technique amène à réaliser beaucoup d'objets avec des mécanismes. Et donc ici, nous voyons des mécanismes assez simples, notamment des mécanismes à charnières. Et cela compte aussi beaucoup pour la conception de ces brûle-parfums. Et on voit aussi se diversifier leur forme. Et on sait qu'il ne faut pas imaginer que sous l'époque des Han, l'utilisation de l'encens et des parfums était réservée à un contexte rituel, comme toutes les observations qu'on a pu faire jusqu'à présent peuvent le laisser croire. On a aussi de nombreux témoignages, notamment littéraires, qui nous permettent de nous rendre compte que déjà, eh bien, le parfum occupait une place très importante dans tous les aspects de la vie quotidienne. Déjà pour purifier l'air par exemple, l'aspect hygiénique peut-être, Frédéric Aubringer. Oui, on a un exemple très parlant dans le fait qu'on a retrouvé à Ma Wang Tui, enfin dans le Hunan, à la fin des années, enfin au cours des années 1970, des tombes fermées environ autour de 168 avant Jésus-Christ, et on a retrouvé dans ces tombes, auprès d'une princesse, des sacs qui devaient contenir des substances, des parfums. Donc c'était à la fois de toute évidence dans un but d'agrément, mais aussi parce qu'on a retrouvé au même endroit des manuscrits médicaux, eh bien il y avait tout un aspect d'utilisation de ces parfums, essentiellement pour faire fuir tout ce qui est du domaine des démons auxquels on attribuait l'origine des maladies à l'intérieur du corps. Alors avançons ensemble, nous avons plusieurs objets qui ensemble signifient cette mutation très importante, non seulement dans l'histoire de parfum, mais aussi dans l'histoire de la Chine, et qui correspond justement à la diffusion du bouddhisme en Chine. Alors cette diffusion, elle est attestée dès justement la fin de l'empire des Han, mais il faut attendre quelques siècles pour que nous ayons des témoignages dans les arts et dans la culture matérielle qui soient des témoignages significatifs. Il faut attendre en particulier que cette nouvelle religion gagne largement les élites. Et là, Frédéric Aubringer, voilà, nous avons une stèle bouddhique et au pied, effectivement, de Bouddha, il y a un brûle-encens. Alors, qui plus est, avec la forme du lotus, hein, qui est un symbole important, évidemment, du bouddhisme. Oui, donc le bouddhisme arrive en Chine à partir du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ce qu'on voit dans cette stèle, on voit un brûle-parfum qui montre la place vraiment fondamentale de de l'utilisation de ces encens, de ces substances. Et on sait que dans les rituels bouddhiques, on a pu utiliser, pour rythmer en quelque sorte les différentes phases du rituel, utiliser la combustion des encens qui, arrivé à un certain moment, marquait le début d'une nouvelle phase du rituel. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette exposition. Et là, donc plutôt le parfum et la culture des lettrés, donc sous les Song et les Yuan, où il y a un certain changement parce que cette pratique de l'encens va justement être effective et transformée par l'élite des lettrés et va devenir comme, alors vous allez nous l'expliquer, à la fois le parfum, l'odeur permet aux lettrés de de penser, d'écrire, l'accompagne dans son évolution spirituelle. On peut dire les choses comme ça, Éric Lefebvre, et ça va se poursuivre, hein, bien sûr. Hein. Alors évidemment, nous arrivons à ce moment de l'exposition, un temps vraiment primordial dans l'histoire dynastique de la Chine, sous les Song, une période qui dure entre le Xe et le XIIIe siècle et qui est souvent comparée par certains historiens dans une perspective un petit peu comparatiste avec la Renaissance en Occident, parce qu'on a une transformation très profonde de la société, marquée par des avancées notamment techniques et scientifiques considérables, et notamment du point de vue social, avec cette émergence des lettrés qui ont déjà joué un rôle important dans l'histoire de la Chine jusque-là, mais qui désormais, avec le système des examens qui s'imposent, vont occuper les premiers postes dans l'État impérial et qui, du coup, vont imposer leurs valeurs, donc des valeurs à la fois morales, mais aussi des valeurs esthétiques qui nous intéressent tout particulièrement quand on aborde l'histoire du parfum. Et puis, bon, on peut penser aussi qu'il y a le développement des sciences dans le même temps, et ce développement des sciences s'accompagne aussi d'une meilleure connaissance botanique et donc peut-être d'une diversité plus riche de ces encens, de ces matériaux, Frédéric Aubringer. Oui, au fil des dynasties, de toute façon, à partir des Han, comme on l'a évoqué précédemment, et puis après sous les Tang et encore plus sous les Song, là, il y a une diversité tout à fait extraordinaire de produits d'orifères qui arrivent, qui sont à disposition des lettrés, qui sont à disposition de toute cette société de l'élite qui, en effet, a une fascination pour ce monde des odeurs. Il y a un poète, Hong Tintian, qui disait qu'il était complètement fou de parfum. Et on trouve, il y a des centaines et des centaines de poèmes autour du parfum. C'est aussi un moment sous les Song où il y a une telle importance de ces parfums que, eh bien, l'État, comme sur les produits à haute valeur ajoutée, on pourrait dire, eh bien, met des taxes sur les encens pour montrer à quel point ça a une importance économique. Ça a une importance économique et aussi dans l'imaginaire, dans la mesure où la plupart des grands produits utilisés pour la composition des encens viennent de, non pas de la Chine, mais de contrées plus ou moins lointaines. Alors on a sous les Song, par exemple, des traités sur les produits exotiques qui traitent alors de toutes ces substances avec fascination, avec parfois... Il y a un côté Marco Polo où on dit, voilà, par exemple, pour l'ambre, on dit que c'est, y a, dans les océans, les dragons sont en train de se battre, et puis il y a la salive des dragons qui produit cette substance très réputée, l'ambre gris qu'on retrouve sur les plages, et donc il y a toujours une sorte d'embellissement poétique, on pourrait dire, autour de tous ces produits utilisés pour les parfums. Alors, c'est une période aussi où on peut l'imaginer, il y a un développement de l'industrie, des ateliers. Il y a des changements peut-être aussi dans la manière de fabriquer ces encens. Oui, sous les Song, bon, qui en effet, pour les historiens de la Chine, est une sorte de dynastie un peu mythique, comme une sorte d'apothéose de la civilisation chinoise. On sait qu'il y a une fabrication de ces encens dans des boutiques qui sont de plus en plus connues, qui deviendront de plus en plus connues après. On a plus de documents sous la dynastie des Ming, entre le XIVe et le XVIIe siècle. Mais déjà sous les Song, on sait qu'il y a ces boutiques où on pouvait retrouver, acheter des encens. Et puis il y a une diversification, en effet, de l'utilisation, aussi bien sous forme d'encens de poudre, mais il y a l'apparition de plus en plus marquante de bâtonnets. On a l'utilisation qui existait auparavant déjà, mais qui s'impose de plus en plus pour parfumer les vêtements. On a énormément de descriptions de grands personnages politiques arrivant, arpentant le palais impérial avec leurs vêtements laissant des effluves de parfums. Il faut dire que d'une façon générale, à partir des rats, elle est de plus en plus utiliser des parfums dans ce domaine-là, c'est un signe de distinction sociale. L'une des particularités de l'exposition, et c'est vraiment quelque chose qui n'avait jamais été fait, et on est vraiment très très heureux d'avoir pu organiser cette chose-là, parce que c'est évidemment très très frustrant de parler de parfums, de faire une exposition sur les parfums et l'encens, en ne montrant que des objets ou des textes, et on a envie de sentir. Et donc, à partir d'une collaboration avec, en effet, François de Machy, chez Dior, on a pu reconstituer, à partir de recettes que j'ai retrouvées dans des textes anciens, des recettes de divers encens, parce que ce qu'il faut dire, c'est que, d'une façon générale, les encens, les recettes de parfums, utilisaient de nombreux ingrédients en même temps. Et on a pu, à partir de ces recettes, qui sont toujours très très précises, qui donnent toute la posologie en quelque sorte, hein, et tout le mode de fabrication des encens, reconstituer ces parfums grâce à une technique qui est vraiment tout à fait au point désormais, de bornes olfactives qui permettent aux visiteurs d'avoir enfin de faire un voyage olfactif et historique. Et c'est très très marquant, c'est très intéressant. On s'aperçoit que les parfums étaient très chargés en substances boisées, en musc et tout ça. Et il y a des réactions très différentes selon les visiteurs et selon les recettes. Moi, je dois dire que j'étais très très très frappé et très enchanté, on pourrait dire. Moi qui ai passé quand même beaucoup de temps dans ces livres anciens, et tout d'un coup il y a l'irruption du principe de réalité olfactive, et ça m'a beaucoup beaucoup touché, tout d'un coup de sentir ce que pouvaient ressentir des personnages très connus comme Coron ou tout ça, des alchimistes, et on se trouve tout d'un coup 15 siècles auparavant. Et donc là, par exemple, Frédéric Aubringer, c'est la recette du seau d'encens du grenier public de Ding Zhu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire sa composition, qui est complexe, hein, effectivement. Oui, alors dans cette recette, en effet, du grenier public de Ding Zhu, on a à la fois du bois d'aigle, la fameuse substance, la résine qui vient de cet arbre quand il est malade, du bois de santal, une plante très odoriférante, Lysimaque foenum graecum, du patchouli, hein, bien connu, du nard chinois. Alors, hierochloé, c'est une plante qui est très très très parfumée, qui se trouve dans le continent eurasiatique et qui est connue pour les amateurs de vodka, puisque c'est aussi on l'appelle aussi l'herbe à bison. Et puis il y a de la rhubarbe, parce que ça a une fonction aussi dans la composition et dans la texture. Donc on pulvérisait tous ces ingrédients et puis on les mettait dans une sorte de moule à l'intérieur d'un brûle-parfum, et ça brûlait petit à petit, avec aussi toujours l'utilisation du côté visuel, puisque ça s'échappait soit à travers un couvercle avec ses motifs qui permettaient de donner aux volutes parfumées des formes particulières qui charmaient encore plus. Je pense qu'il ne faut jamais oublier que, certes, il y a des histoires rituelles, certes, il y a des histoires thérapeutiques, mais ces Chinois des Song ou des Ming étaient tout simplement très sensibles au caractère hédoniste, des parfums. On appréciait les parfums parce que ça donnait du plaisir, quoi. Alors, Eric Lefebvre et Frédérico Brager, là, nous entamons une nouvelle partie hein, dans cette exposition. Enfin, on change de dynastie. On est sous les Ming. Tout à fait. Alors, l'exposition aborde un tournant très important avec les Ming, puisque, en effet, nous avons un nombre de témoignages pour la culture matérielle de l'encens sous les Ming qui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus variés que pour les périodes précédentes. Et c'est vrai que jusqu'ici, nous avons principalement vu des objets en bronze et en céramique qui dominaient largement. Et cette fois, nous avons, à partir des Ming, un éventail beaucoup plus riche de la culture matérielle chinoise, qui va inclure aussi des textiles et de nombreuses peintures qui permettent de montrer tous ces objets en situation. Et là, nous sommes... Alors, ce sont des panneaux muraux également, Eric Lefebvre, qui représentent alors, le studio du lettré, et où l'on voit notamment l'usage que le lettré peut faire de l'encens. Mais je crois que ce sont deux panneaux qui en comprennent cinq. C'est au départ un ensemble de quatre peintures, qui sont des peintures montées en rouleau vertical et qui sont faites pour être présentées les uns à côté des autres. Le sujet de l'œuvre, c'est la représentation des 18 lettrés, donc une forme d'académie, une forme de brain trust, on pourrait dire, réunie par Tang Taizong, le grand souverain du début de la dynastie des Tang. Et cette académie, elle a été ensuite l'objet de représentations. C'est devenu progressivement quelque chose de classique pour les peintres que de représenter 18 lettrés, chacun en train d'avoir des activités particulières. Et là, justement, le fait que la composition soit répartie en quatre peintures, en quatre tableaux, si l'on peut dire, est l'occasion d'évoquer quatre activités privilégiées des lettrés, qui sont l'écriture d'une part, la musique, et puis, il y a aussi la peinture et le jeu de Go, qui ne sont pas représentés dans l'exposition. On a sélectionné juste deux rouleaux, hein, qui représentent d'un côté l'écriture et de l'autre la musique, avec cet objet très important dans la culture lettrée, qui est la cithare Tsin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type de composition, il devient très important, assez répandu justement au milieu de la dynastie des Ming. Et cela pourrait faire l'objet d'une comparaison, puisque nous sommes ici dans un musée parisien. Cela pourrait nous rappeler un petit peu ces allégories des cinq sens, qui aussi, en Occident, à des époques un peu comparables, deviennent très à la mode dans la peinture. Et effectivement, tous les sens sont convoqués autour de ces activités lettrées qui se passent visiblement dans un jardin, puisque à l'arrière-plan, nous avons des pierres de lettré, nous avons différents arbres, et un petit peu caché derrière un paravent, on voit toutes sortes de verseuses, de boîtes qui contiennent des mets, on prépare du thé. Au premier plan, eh bien, c'est un petit personnage qui est en train d'apporter des fruits frais. Et effectivement, tous les sens sont utilisés dans ces activités. Et en particulier, celui qui nous intéresse tout particulièrement, c'est bien sûr l'odorat. Et cette fois, il est présent d'une manière explicite ou implicite. Ici, par exemple, nous retrouvons une table au premier plan, justement, qui occupe un petit peu un vide de la composition où sont regroupés les trois objets de l'encens dont nous avons déjà parlé. Brûle-parfum, boîte à encens et vase à encens contenant cuillère et baguette. Mais alors, là où vraiment cela devient formidable dans la culture justement matérielle de l'époque des Ming, c'est que nous avons sur la seconde peinture eh bien, un personnage qui est complètement en train de préparer l'encensoir. Donc il a les instruments en main, on voit qu'il est en train certainement de remuer les cendres, et même il y a un petit point rouge qui indique la présence d'une braise qui va permettre d'allumer l'encensoir. Thank you. m'accompagnit pour une longue nuit à la lueur de la lampe. Un livre à la main et, à mes côtés, de l'encens. Sept, en langage populaire, accordé comme une cithare tsin, comme si je portais à mes lèvres la coupe céleste. Li Bai et Du Fu sont tenus pour les grands maîtres d'antan. Wang Hao et Yang Xunji sont mes compagnons d'aujourd'hui. Je ferme ma porte, refuse poliment les visites et ne discute plus qu'avec Bai Tui. En automne, sous ma lampe, je lis les œuvres de Bai Tui et pense à mes deux amis, Ti Zhi et Jun Tian, Pao Han, nom de plume de Wu Quan. Et dans cette salle aussi, il y a ce poème, Éric Lefebvre, sous forme de rouleau. Hein ? Effectivement, nous avons eu la chance, hein, pour cette exposition, en suivant cette fumée justement immatérielle de l'encens, de pouvoir toucher au contraire à tous les domaines de la culture matérielle. Alors, s'il en est un vraiment particulièrement important en Chine, c'est bien sûr l'art de la calligraphie que nous avons pour l'instant simplement évoqué avec la personnalité de Huang Tingtian, immense poète et aussi immense calligraphe de l'époque des Song, qui disait lui-même qu'il était fou de parfum. Alors ici, c'est un texte qui est écrit avec beaucoup de naturel, hein, ce n'est pas du tout une poésie ésotérique, c'est une poésie qui permet justement d'évoquer un moment particulier au cours duquel Wu Quan accompagne ses lectures de la consommation de l'encens. Et cela, il le fait avec naturel, il le fait de manière très directe, et on se rend compte que ce qui est pour lui le plus important, c'est que dans ce moment très privilégié où il associe le parfum et la lecture, cela lui permet d'associer à la fois des amitiés qui sont des amitiés réelles, des personnes qui lui sont proches, mais aussi des amitiés rêvées qui sont les auteurs du passé. Et donc, tout cela est présent, tout cela se rejoint autour d'un brûle-parfum dans un moment qu'il évoque par la calligraphie. Des parfums étaient très multiples dans leur forme. Alors, on l'a déjà évoqué, on avait l'habitude de parfumer les vêtements. Alors, dans cette peinture très belle, où on voit une belle dame qui est en quelque sorte assise au-dessus d'une cloche à parfum, une cage à parfum. On voit que sous cette cloche, cette cage, il y a un brûle-parfum qui va permettre donc de laisser échapper des fumées odoriférantes qui vont parfumer les vêtements de la dame. C'est un thème qu'on retrouve très très très régulièrement, aussi bien dans les romans que dans les poèmes, où il y a même parfois d'une façon un peu ironique en disant que ces dames qui n'ont pas d'autre occupation que de se parfumer leurs vêtements. Alors, il y a également, en effet, des bourses à parfum, parce qu'on portait sur soi ces bourses qui contenaient des plantes, qui laissaient échapper les parfums. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, il y a d'autres manières d'utiliser les parfums dans la vie quotidienne, et une qui est assez fascinante, c'était qu'on retrouve dans, dans, des textes à partir des Tang, hein, donc entre le 6e et le 9e siècle, où on utilisait les parfums, non pas portés sur soi, non pas pour se parfumer les vêtements, mais pour parfumer le corps lui-même en ingérant des pilules composées de différentes plantes, souvent des angéliques, par exemple, donc des ombellifères. Et l'idée, dans un cadre un peu conceptuel, disons taoïste, où il y a une importance extrême de consommation de différentes substances, eh bien là, on devait prendre chaque jour ces pilules. Et alors, il était promis qu'au bout de 10 jours, par exemple, la peau commençait à être parfumée. Au bout de 30 jours, c'était l'intérieur du corps. Au bout de 3 mois, c'était les os, carrément, qui étaient parfumés. Et puis, au bout de 10 mois, le corps était tellement parfumé qu'on sentait ce parfum à travers les vêtements. Et puis, il y a une substance extrêmement importante, hein, qu'on a évoquée déjà, qui, elle, vient non pas d'une plante, mais d'un animal, le musc, hein, qui vient du chevrotin porte-musc, qui, chez le mâle, a une poche qui lui sert à marquer son territoire, en quelque sorte, et à attirer les femelles. Eh bien, ce musc est vraiment l'une des substances les plus utilisées dans tous les encens, dans toute la composition des encens et des parfums. Ce chevrotin se trouve dans l'Himalaya et se trouvait aussi dans les régions centrales de la Chine. Et alors, elle était très réputée, cette substance, puisque il y a des médecins, des alchimistes, tout ça, qui conseillaient d'en mettre même entre les doigts de pied quand on devait partir dans les montagnes. Alors les montagnes, c'était assez fascinant, mais ça faisait un peu peur. Et alors, pour lutter, pour éloigner les mauvaises influences, mais également les tigres, les serpents venimeux, eh bien, on devait porter ce musc. Et le musc était aussi très, très réputé dans les traités de matière médicale, de pharmacopée, pour chasser tous les cauchemars. Et ce musc, bon, c'est assez fascinant parce que ça continue à être utilisé énormément, même au 19e siècle, puisque un voyageur français, Évariste Huc, hein, un lazariste, qui voyage dans les années 1840 en Chine, à un moment signale que l'Empire chinois sent entièrement le musc partout. Ouais. Alors nous arrivons à la dernière partie. Enfin, les deux dernières parties de cette exposition, Éric Lefebvre, la dynastie des Tsing. Alors, on voit encore évidemment ces objets, ces brûle-parfums qui changent de forme, qui changent de matière. Il y en a certains en bambou, hein, ça devient très, très à la mode, je crois, à l'époque. Certains sont sculptés dans du jade, d'une finesse extrême. Certaines sont en forme de cage aussi, pour que justement le parfum puisse sortir de plusieurs côtés. Est-ce que ça, donc voilà, sous cette dernière dynastie, les Tsing, est-ce que c'est la technique du brûle-parfum, qui est quand même l'objet extrêmement important, évidemment, dans cette culture de l'encens, se change, évolue de manière... Les couleurs aussi, nous sommes devant un ensemble rose, une couleur qu'on n'avait pas encore tellement vue précédemment. Effectivement, nous sommes ici placés en face de 5 objets qui sont justement 5 objets destinés à l'autel, qui manifestent toute la magnificence impériale, en particulier sous le règne de l'empereur Tianlong au XVIIIe siècle. Et nous avons justement le nom de l'empereur qui est porté sur chacun de ces objets, qui sont effectivement d'une couleur rubis et qui manifestent cette technicité sans équivalent qui est atteinte notamment par les céramistes dans la conception de la porcelaine à l'époque. Justement des Tsing, une porcelaine qui peut être décorée avec un ensemble d'émaux qui sont justement au départ une technique venue d'Occident et qui est justement transposée. Il faut se souvenir que à l'époque, évidemment, il y a la présence de ces missionnaires jésuite à la cour impériale, dont l'apport va être évidemment très important en ce qui concerne certains aspects techniques. Alors cette technicité, elle est mise au service d'une forme d'innovation dans la typologie des brûle-parfums. À côté des formes classiques venues de l'Antiquité, reprises par les Song, eh bien, on a des formes entièrement nouvelles qui apparaissent. On a notamment présenté dans l'exposition quelque chose qui semble vraiment être un tour de force du point de vue du céramiste, en particulier de la porcelaine, puisqu'on a une pièce qui est parallélépédique et qui est ajourée sur toutes ses faces. Donc évidemment, les risques d'effondrement à l'intérieur du four sont vraiment au maximum, et cette pièce, elle est donc parfaite. Nous avons aussi ces pièces que vous avez signalées à l'instant, qui sont de forme cylindrique, et évidemment la forme cylindrique naturelle par excellence, c'est la forme du bambou, et ces brûle-parfums sphériques en bambou qui apparaissent dès l'époque des Ming, mais qui sont encore très populaires au début de l'époque des Qing, eh bien ils sont justement sculptés d'une manière très délicate dans cette surface très mince qui est celle du bambou, et dans laquelle les artisans réussissent à évoquer tout un petit paysage qui recouvre toute la surface, et qui est parfois d'ailleurs un paysage historié, ce qui était quelque chose de totalement transparent pour les personnes de l'époque, puisqu'on retrouve des grands thèmes lettrés comme les sept sages de la forêt, des bambous ou d'autres thèmes. Peut-être Federico Brager, Éric Lefebvre, sur peut-être l'usage aussi aujourd'hui. Alors l'exposition s'arrête au début du XXe siècle. Cette culture du parfum, elle est j'imagine, toujours présente. Alors, aux origines de ce projet, il y a justement le fait que cette culture de l'encens en Chine, aujourd'hui, elle est renaissante. Et elle est renaissante d'une manière vraiment assez spectaculaire. Donc au cours de voyages que j'ai pu effectuer il y a 5 ou 6 ans en Chine, je me suis rendu compte que aussi bien dans les librairies, mais aussi dans les pratiques des amateurs, parfois regroupés en associations, qui aussi échangent sur Internet, on voit que l'intérêt pour les pratiques anciennes, pour les matières anciennes, pour les objets de l'encens, qui sont à nouveau collectionnés avec ferveur, eh bien, il y avait une espèce de synergie entre tous ces éléments, et qu'il y avait un véritable phénomène de renaissance qui vraiment était frappant et dont on avait envie très naturellement de participer. Oui, aujourd'hui, il y a certainement un intérêt de plus en plus grand pour... Sur Internet, par exemple, c'est très frappant. Il y a énormément de sites qui sont consacrés à cette culture de l'encens, sachant que il y a un peu tout à redécouvrir, puisque vous pouvez imaginer que dans la Chine maoïste, il n'y avait pas une fascination pour la culture décadente des lettrés autour des parfums et des encens. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, avec la recherche aussi d'une sorte de spécificité, de rapport au parfum, qui intéresse aussi, depuis peu de temps, un certain nombre de chercheurs, d'historiens, de la même façon que nous sommes quelques-uns en dehors de la Chine, mais en collaboration avec ces chercheurs, à commencer à faire une histoire des parfums dans la mouvance de ce qu'on a pu appeler l'histoire des sensibilités, l'histoire évidemment de l'odorat. Alain Corbin, le miasme, la jonquille, c'est évidemment très très cher à tout, au cœur de tous les historiens. Et on s'aperçoit que même si on n'a pas le même genre de sources que dont nous disposons sur l'Occident, eh bien, il y a une très très très grande richesse à la fois des objets, mais des sources écrites, des sources de lettrés, des sources dans les romans. Le rêve du pavillon rouge, il y a continuellement à chaque page l'allusion à des parfums. Hein. Donc il y a tout un champ de recherche historique qui s'ouvre et qui est vraiment accompagné aussi par la recherche au quotidien d'amateurs, de curieux pour essayer de revitaliser cette culture chinoise des encens. Merci à vous, Éric Lefebvre et Frédéric Aubringer, pour cette visite. Et puis l'exposition dure jusqu'au mois d'août, je crois, Éric Lefebvre. Tout à fait, l'exposition se poursuit tout l'été jusqu'au 26 août. Et c'est sur ce morceau de Lili Chao que nous nous quittons aujourd'hui. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. La prise de son a été assurée au musée Tchernouski, donc à Paris, par Raymond Albouy. Le mixage par Eric Boisset. En direct aujourd'hui, Antoine Pitiloni à la Maison de la Radio. Et la réalisation était signée Séverine Cassard.